On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des élites de Ville-Saguenay qui ont perdu hier 5-2 contre Lévis. Le match se déroule à Lévis. Il y avait plusieurs recrues qui étaient en alignement pour la circonstance. C'est que depuis dimanche, une quarantaine de joueurs sont au camp des élites et reçoivent les consignes de l'instructeur-chef Steve Thériault. On devrait procéder aux premières coupures avant les camps d'entraînement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Steve Thériault a mentionné hier sur les ondes de sport.com qu'il était trop tôt pour savoir si les élites allaient avoir une aussi bonne équipe que l'an dernier. Ben, je te dirais probablement, mais à cette date-ci, en ce moment, il ne faut pas se faire un portrait global là, de ce que ça va ressembler. De un, on ne connaît pas encore, là, la composition de notre équipe. Puis de deux, non plus, là, on ne connaît pas les autres, les 14 autres équipes. Là, dans la ligue. Donc, c'est un endroit qu'on va pouvoir se situer. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est sûr et certain qu'on va être en mesure de compétitionner. Parlons maintenant d'un ancien des élites, Jérémy Fortin, qui travaille fort pour impressionner la direction des Cataractes de Shawinigan. Jérémy Fortin, qui est de Dolbeau-Mistassini, qui a mentionné hier que cette année, il avait mis tous les efforts pour faire la formation de Claude Bouchard. Oui, vraiment. Je voulais faire l'équipe tout de suite l'année passée, mais avec l'équipe que les Cataractes avaient, c'était quand même difficile. Mais je pense que cette année, je me suis bien préparé et je suis prêt. Jérémy Fortin a mentionné qu'il ne pensait pas qu'il y avait beaucoup de places disponibles au camp des Cataractes. J'ai pas vraiment regardé s'il y avait des places disponibles, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui partent. OK. Puis, à part les exceptions, c'est pas encore, là. Des vétérans comme Anthony Beauvillier, puis ces gars-là, ils vont aller dans leur NHL dans le mois de septembre. Mais, je sais vraiment pas. Ça va dépendre de leur camp, ça va dépendre des échanges aussi qu'il va y avoir quand la période des transactions va s'ouvrir. Là. OK. Et avec le tournoi des recrues, ben, Jérémy Fortin espère faire bonne impression auprès des Cataractes ou des autres organisations. Ouais. Puis, je suis chanceux aussi. Cette année, c'est comme un nouveau format de camp, de pré-saison, parce que c'est juste des recrues, puis c'est comme un tournoi entre 4-5 équipes. Nous, c'est Drummondville, Victoriaville, puis il manque une autre équipe. Je pense qu'on est 4-5 équipes qu'on fait un tournoi. Fait, c'est le fun que les autres DG puissent nous voir aussi, si supposons que ça marche. Parlons de soccer avec des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, à noter qu'hier, à Robertval, victoire de Alma U16 qui ont gagné 3-0 contre le FC de Robertval dans la catégorie U16 féminin. Et puisqu'il est question maintenant de soccer, déjà la saison achève à très grands pas et l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini tente actuellement de recruter des joueurs pour la prochaine année. Donc, pour le soccer intérieur. Donc, les activités vont commencer à la fin septembre. L'inscription, par contre, devrait commencer, au début septembre. Et faites à noter qu'il y aura quand même plusieurs activités. Donc, les coûts pour le soccer intérieur pour l'année ont été fixés à 150 $. Il y aura 12 matchs repartis sur 6 jours et auront lieu le samedi et le dimanche. Il y aura également une à deux pratiques par semaine. Les enfants donc nés entre 2001 et 2008 peuvent s'inscrire pour cette ligue de soccer intérieure. Maintenant, on va parler de golf. C'était l'Omnium Senior qui s'est déroulé sur les allées du club de golf de Saint-Prime hier. Et dans la classe 50-59 ans, Yves Guy de Dolbeau-Mistassini était le meilleur avec un pointage brut de 75 et un pointage net de 67. Classe 60-64 ans, Marco Terrien de Dolbeau-Mistassini a réussi un pointage de 70, a été le meilleur avec un pointage net de 62. Maintenant, du côté de classe 65 à 69 ans, le meilleur pointage brut a été Alain Simard de Saint-Prime avec un pointage de 78. Et dans la catégorie classe 70-74 ans, à noter que Roger Simard de Saint-Prime a été le meilleur avec un pointage de 77. Je vous invite à quitter la section entrevue de DanRadioSport.com hier. On a parlé avec l'instructeur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault. On a aussi parlé avec Jérémy Fortin de Dolbeau-Mistassini, qui va participer au prochain camp des Cataractes de Shawinigan. Et également, je me suis entretenu avec notre collaborateur de CKJ, Pat Bouchard, qui est un grand amateur de rugby. Il nous explique le rugby à 7, qui gagne de plus en plus d'adeptes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.